La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. On va parler de Seattle. Pendant que Québec, c'est vraiment un petit peu... Je pense qu'on a pas mal lancé la serviette. À Seattle, il y aura une équipe de la Ligue nationale de hockey à Seattle en 2020-2021. On va parler avec le journaliste qui couvre pas mal le dossier pour le Seattle Times. On l'a déjà entendu une couple de fois dans Radio Sport, c'est Jeff Baker. Bonjour, Jeff. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Jeff, est-ce que je me trompe? Est-ce que Seattle, premièrement, est-ce qu'on sent vraiment un buzz pour la nouvelle formation de Seattle? Depuis que Gary Bettman a annoncé qu'il a donné l'autorisation d'avoir de vendre des billets de saison, est-ce qu'on sent vraiment un buzz sur le hockey à Seattle? On s'attend plusieurs années pour un aréna ici et finalement on a eu permission de construire, de reconstruire un aréna existant ici à Seattle et il y a beaucoup d'anticipation sur ce sujet et maintenant qu'on a une équipe peut-être, je crois que le buzz va commencer à s'agrandir dans les mois qui suivent. OK. Est-ce qu'il y a vraiment... Parce que les Thunderbirds, Seattle, c'est quand même... Il y a quand même une historique de hockey à Seattle, là. Oui, il y a un grand historique de hockey junior, majeur. Une majeure ici, il y a les Thunderbirds, il y a le Silver Tips de Everett. Everett, c'est une ville qui est à peu près une quinzaine de minutes au nord de Seattle, ou une vingtaine de minutes. Alors, il y a beaucoup d'intérêt à ces deux équipes-là dans la région de Seattle. Et you know, on a aussi les Chiefs de Spokane qui se jouent à peu près 4 heures d'ici à la ville de Spokane. Alors, il y a une grande historique de hockey junior majeur ici. Et je crois qu'on va avoir aussi une grande rivalité avec le Canucks de Vancouver parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de Vancouver qui se déroulent ici pour voir les matchs de la NFL. Et il y a aussi beaucoup d'intérêt dans des matchs de Blue Jays qui jouent ici à Seattle contre les Mariners. Alors, il y a beaucoup de partisans qui peuvent se conduire ici dans à peu près 3 heures. Ouais. C'est possible d'avoir une grande rivalité. Okay. Êtes-vous surpris que Gary Bettman, parce que j'ai lu un article j'ai pas lu, mais je me suis fait raconter une de vos articles dans Seattle Times de vendredi, que la mairesse de Seattle ou le maire de Seattle était vraiment surpris qu'il y ait une équipe aussi vite à Seattle. Que Gary Bettman, ça n'a pas pris de temps, là. T'sais, on y va tout de suite, là. Compartiment à Québec, faut tout faire attention, faut pas brusquer les choses. Est-ce que Seattle, êtes-vous surpris que ça a été aussi vite? Non, je suis pas surpris parce qu'on s'attend toujours longtemps pour cet annoncement. Ici, je sais que la Ligue nationale veut être ici à Seattle pendant les 5 dernières années, mais on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'aréna ici. Il y a beaucoup de jeux politiques qui se déroulent. Et maintenant qu'on a l'aréna qui va commencer à être reconstruire. Je crois que c'est important pour la Ligue nationale de démontrer aux gens ici que c'est pas un rêve d'avoir d'équipe ici. Parce que il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de partisans qui ont des doutes qu'on va avoir d'équipe. Ils pensent qu'on va bâtir une aréna et après ça, il n'y a pas d'équipe qui vient. Parce que on fait cette construction même avec pas d'équipe. Mais c'est important pour la Ligue nationale de démontrer que oui, si on commence à se rebâtir cette aréna, on va avoir une équipe professionnelle de la Ligue nationale. Et des gens ici veulent aussi une équipe de basket parce que ça fait longtemps que les Sonics sont partis pour Oklahoma City. Et il y a des gens aussi qui veulent la NBA. Et Il ne croit pas que la NBA va venir. Alors, c'est une démonstration de la Ligue que c'est possible d'avoir cette équipe professionnelle ici, si on fait de construction sur cette arène. Est-ce que les gens préféreraient avoir la NBA? On sait que ça va arriver en double. Est-ce que les gens, s'il y avait un choix à faire, est-ce que les gens préféreraient plus la NBA ou la Ligue nationale? Je crois que les gens ici préfèrent la NBA parce qu'il y a un historique ici dans la NBA. Il n'y a pas d'historique de hockey ici. Mais je crois que les gens sont intelligents ici et ils savent que si la NHL vient et si l'équipe se déroule très bien et on gagne d'argent et tout ça, la NBA va venir ici dans à peu près un an ou deux ans après ça. Alors, le commissionnaire Adam Silver est grand ami avec Tim Leiwicki qui est le chef de cette arena, de la reconstruction de l'arena. Alors, je crois que c'est juste on doit s'attendre peut-être une autre quelques années après le hockey et on va avoir le basketball aussi. OK. Est-ce que Seattle a plus besoin de la Ligue nationale ou la Ligue nationale a besoin de Seattle? Je crois que, honnêtement, c'est la Ligue nationale qui c'est plus profitable pour la Ligue nationale d'être ici que d'avoir de hockey ici dans le cœur des amateurs de sport. Mais je crois aussi que les amateurs de sport ici savent que la Ligue nationale de hockey, c'est un peu une expérimentation. Et si ça déroule très bien ici avec le hockey, le basketball va suivre. Alors, c'est important pour les deux, mais au commencement, je crois, oui, c'est le marché de Seattle que la Ligue nationale veut et ça va bénéficier la Ligue nationale. La grosse différence entre Seattle et Québec, c'est les sièges sociaux. Il y a beaucoup de sièges sociaux, il y a beaucoup d'argent à Seattle. Boeing, Amazon, Microsoft est là aussi. Starbucks est là. C'est là la grosse différence, hein? Oui, c'est une très, très grosse différence. Moi, je suis natif de Québec. Ouais. J'ai passé une trentaine d'années à Montréal, alors je connais le marché de Québec aussi très bien. Et c'est un grand marché de hockey. Les amateurs de hockey à Québec sont plus... ils connaissent le sport, ils apprécient le sport. C'est pas la même chose ici à Seattle, mais à Seattle, il y a de l'argent. Il y a de l'argent américain. Le problème qu'on a à Québec à cet instant, c'est que le prix d'une équipe d'expansion, c'est 650 millions de dollars américains, alors c'est 835 millions canadiens. Dans quelques années, peut-être, le prix s'augmente à 800 millions américains, alors c'est 1 billion de dollars canadiens, 1 milliard. On peut pas dépenser ça à Québec. Ça va être difficile de dépenser cet argent à Québec et que ça va marcher pour plusieurs années et être profitable. C'est ça la question de le dollar canadien maintenant. Ouais, Jeff, moi je dis que là, Houston s'en vient dans la Ligue nationale, c'est une question de temps, ça va être d'ici quelques années. Vous parlez de la prochaine expansion, ça va être certainement Houston. Moi je dis que Portland. Est-ce que Portland, qui n'est pas tellement loin de Seattle, est un marché intéressant aussi que pour la Ligue nationale? De rivalité Seattle, Portland, Vancouver, c'est quelque chose qui est envisageable? Non, je crois que le marché Portland, c'est plus important à la Ligue nationale pour prendre une équipe existante et mettre là-bas. Okay. On a un aréna déjà. C'est pas un aréna tellement beau, mais c'est un aréna qui fonctionne. Et si on a des problèmes dans d'autres marchés, on peut mettre une équipe à Portland comme dans une situation d'urgence. Je crois pas que comme ville d'expansion, c'est très lucratif pour la Ligue parce que on va avoir beaucoup de partisans dans la région nord-ouest. Même de Portland qui vient ici pour voir des matchs, ils vont acheter tous les chandails de l'équipe Seattle. On ne gagne pas tellement de profit pour mettre une équipe d'expansion à Portland. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça dans une situation d'urgence. Je crois que si on parle de Houston, être une équipe d'expansion, on doit avoir une autre équipe aussi. Et Québec est dans l'Est. Pays, de l'Est du continent, et ça fait du sens à mettre peut-être une autre équipe à Québec c'est le prix d'expansion très haut, très élevé, mais on peut avoir une équipe de trois à Québec dans les prochaines années. Dans une situation comme ça, si Houston entre dans la Ligue, je crois pas que Houston et Portland vont tomber en même temps. Je crois que Houston et Québec, c'est plus de sens pour la Ligue. OK. En terminant, deux petites questions sur le sport à Seattle. Vous arrivez de Toronto, les Sanders ont perdu. Comment c'était l'année passée, le Toronto FC a pris sa revanche? On sait qu'à Seattle, c'est extrêmement populaire, le MLS. Est-ce qu'on est déçu du côté de Seattle? Ah oui, très déçu. Ouais? C'était okay. Un match très excitant, c'était un match de l'un côté, et c'est la domination complète pour l'équipe torontoise. C'était comme les professionnels contre les amateurs. Et il y a beaucoup de partisans ici qui sont très déçus. Il faut avoir des changements à Seattle parce que on sait maintenant qu'il y a une grande différence entre la qualité de jeu à Toronto et peut-être dans d'autres équipes de l'Est contre Seattle qui est la meilleure équipe peut-être dans l'Ouest, mais il y a beaucoup de différences entre les deux conférences. Ce moment. OK. En terminant, Otani a choisi, puisque je sais que vous couvrez les Mariners, Otani a choisi les Angels de la Californie. Est-ce que c'est une. Est-ce qu'on s'attendait du côté des Mariners? Parce qu'on disait que les Mariners pouvaient être dans la course. Donc, est-ce que vous pensez qu'Otani, est-ce qu'on est déçu du côté des Mariners? Oh, il y a beaucoup. Ouais, OK. Il y a beaucoup. L'équipe aussi est très déçue de cette décision. Parce que c'était une grande partie du plan d'hiver pour cette équipe. Et maintenant, il faut faire quelque chose de grand parce que c'est la même situation qu'avec les Sanders. Il y a une différence entre les Mariners et les Astros de Houston. C'est une grande, grande différence de talent. Et je crois que les Mariners maintenant vont chasser Yu Darvish, le lanceur Yu Darvish, qui est un agent libre maintenant. Et je crois, si ils vont signer Yu Darvish, je ne suis pas surpris du tout parce qu'il faut faire quelque chose de grand pour les amateurs. Okay. Jeff Baker de Seattle Times, on va se garder en contact de voir l'évolution de l'équipe à Seattle. Oui, moi aussi. Et j'espère que dans quelques années, on va avoir une équipe à Québec. Et J'ai des gros doutes. Tant que Gary Bettman va être là, j'ai l'impression qu'on va oublier ça à Seattle. À Québec, ça dit. C'est ma. Jeff Baker de Seattle Times, un gros merci, on s'en reparle. Et bonne année. Jeff Baker de Seattle Times.